بسم الله الرحمن الرحيم. وأما النون فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية، نحو يفعلان وتفعلان، أو ضمير جمع نحو يفعلون وتفعلون، أو ضمير المؤنثة المخاطبة نحو تفعلين. هذه الأوزان تسمى الأفعال الخمسة، وتكون النون التي في آخرها علامة على رفعها، فهي مرفوعة بثبوت النون نيابة عن الضمة، فتقول الزيدان يضربان، فيضربان مرفوع بثبوت النون نيابة عن الضمة، وكذا أنتما تضربان، والزيدون يضربون، وأنتم تضربون، وأنت تضربين. فكل هذه الأمثلة مرفوعة وعلامة رفعها ثبوت النون، والألف في الأول والثاني فاعل، والواو في الثالث والرابع فاعل، والياء في الخامس فاعل. بسم الله الرحمن الرحيم. Quant au nun, elle est un signe de al-rafa' dans le fi'l al-mudara' qui se termine par un dhamir pronom de duel tathniya ou dhamir de pluriel jama ou dhamir al-mu'annath al-mukhataba, le pronom qui désigne la deuxième personne au féminin. مؤنث المخاطبة. ضمير تثنية, le pronom du duel, exemple يفعلاني وتفعلاني, ou le ضمير de الجمع, pronom du pluriel, نحو, donc exemple, نحو, on l'a dit, ça veut dire tel que يفعلون وتفعلون. Donc déjà, juste avant, on a vu يفعلاني, ils font eux deux, tafalin vous faites vous deux, yafaluna ils font eux plusieurs, tafaluna vous faites vous, donc plusieurs, ou donc qui finit donc ce fi'l mudhari' qui finit par dhamir al-mu'annatha al-mukhataba, deuxième personne du singulier au féminin, nahou tel que tafalina. Toi, tu fais, en s'adressant à une personne au féminin. Donc, ces cinq types de verbes, on appelle al-af'al al-khamsa. Donc, on appelle al-af'al al-khamsa. Et le noun qui se trouve à la fin est un signe de al-rafa. Donc, elles sont marfoua, on dit, par la thubut al-noun, la confirmation, le maintien du noun niyabatan, en remplacement de la dhamma. Donc, exemple encore, Az-Zaydani Yadribani. Yadribani est marfou' par la confirmation du noun en remplacement de la Dhamma. Ou de même, on dit Antuma Tadribani. Vous deux, vous frappez. Waz-Zaydouna Yadribouna. Les Zayd, en fait, le pluriel de Zayd, frappent. Wa Antum Tadribouna, vous frappez. Anti tadribina, et toi tu frappes en s'adressant à une personne au féminin. Donc chacun de ces exemples est marfoua et le signe de rafa, le maintien du noun. Et le alif dans le premier exemple, le deuxième, c'est-à-dire yadribani, tadribani, le alif là, juste avant le noun, et c'est le sujet en fait. Et al-waw, dans le troisième et quatrième exemple, yadribuna, tadribuna, le waw juste avant le noun, donc il est fa'il, sujet, et le ya dans le cinquième exemple, tadribina, le ya donc juste avant le noun, est fa'il, sujet. Alhamdulillahi rabbil alamin, sallallahu ala muhammadin tahir al-amin.